Chapitre 4. À mesure que le géant parlait, son œil devenait plus sombre, et sa grande main, qu'il levait par instants, fiévreuse, décrivait sur le mur des dessins bizarres à la lueur de la maigre chandelle qui finissait. Mais à ce moment de son récit, il s'arrêta et resta immobile. Ainsi penché, plié en deux, et un peu voûté par le chagrin, il avait l'air d'une de ces statues de dieux indiens accroupies dans leurs rêves et sur qui pèse le poids de l'immuable fatalité. Il faisait peine à voir cet homme, athlète et géant, qu'une main de femme courbait et dont la tête, comme un grand arbre chargé de pluie, se baissait au vent des amers souvenirs. Je n'interrompis point son silence. C'est lui qui, au bout d'un instant, résigné et grave, releva son front et reprit, où il l'avait laissé, le récit douloureux de ses tristes amours. C'en était fait. Celle pour qui j'avais dit adieu à la vie honnête, à qui j'avais loué mon corps comme géant et comme homme, vendu mon âme, cette coureuse des champs de foire, elle me trompait avec un paillasse ivrogne, échappé cynique des faubourgs malsains. Ce fut une chute terrible, comme si je tombais de mon haut avec ma taille. Je restai étourdi sur le coup, il y a quelque temps de cela. Mais, ajouta-t-il avec un sourire mélancolique, en mettant la main sur son cœur, la place est toujours sensible. J'aurais moins souffert si elle avait choisi moins bas. Ma douleur s'irritait de sa dégradation. J'avais été dupe. Elle avait, comme ses pareils, la nostalgie du ruisseau sale. Et quand je lui prêtais une âme digne de comprendre la mienne, pauvre fou, je comptais sans ses impressions d'enfance et de jeunesse le voisinage du faubourg et le commerce du voyou. Vous voulez savoir maintenant comment se termina la scène et ce que fut l'explication ? Elle nia effrontément, et moi, faible et vil, je fis semblant d'ajouter foi à ses serments et répondis aux plaisanteries écrasantes par un sourire. Ah, ce sourire ! Il me coûta cher. Et tout mon être dut se tendre pour le grimacer. Ce qu'il arriva ensuite, le croiriez-vous? Quand nous laissâmes la baraque d'où nous chassait sa trahison, je demandai au pitre, à Bétinet, oui, à lui-même, de nous suivre. Je voulais, fanfaron piteux, prouver par là que je ne croyais point à la calomnie. Peut-être je craignais que Rosita, sans lui, ne consentît point à partir. Mon égoïsme aussi parlait. J'avais raté ma vie, et je tenais à ce que le boulet auquel j'avais soudé ma chaîne vînt avec moi. Quoi qu'il en soit, les choses se passèrent ainsi, et Bétinet donnait le bras à Rosita quand nous sortîmes. Il faut être bien fou, n'est-ce pas? Bien fou, bien lâche! Que celui qui n'a jamais été fou et lâche devant les femmes me jette la première pierre. Et en disant cela, le géant relevait la tête, et de son œil ardent semblait défier un invisible ennemi. Je vous fais grâce de mes émotions. La vie n'est pas faite que de cela. Les soupirs ne nourrissent point, la douleur creuse. Il s'agissait de gagner son pain. Par une fatalité cruelle, le choléra passa dans le village où vivaient Fouillopot et sa sœur, et les emporta tous les deux. Il fallut faire revenir Violette, et un matin, la pauvre petite nous arriva dans un trou d'auberge. Elle me ressemblait, dit-on, et Bétinet le faisait remarquer en ricanant. Il la détestait pour cette raison, et Rosita n'osait l'embrasser devant lui. Elle ne vécut pas longtemps, Dieu merci, mais ce fut, hélas, un horrible drame. Nous nous étions rendus à la foire voisine pour chercher de l'ouvrage, mais tous les cadres étaient remplis et ma spécialité était prise. La vogue était à un géant qui mesurait 7 pouces de plus que moi, ce qui valait plus que tous les diplômes, et enfonçait le baccalauréat. Il était descendu un matin de sa montagne, en sabots, et avait simplement planté là, derrière un rideau, son grand cadavre. Déjà, la recette lui allait aux genoux. Rosita et Bétinet auraient pu trouver un engagement pour la parade, mais il fallait se séparer, et nul ici ne le voulait. Ni Bétinet, dont la paresse était en garde, ni Rosita, qui pensait d'après lui, ni moi, qui aurais tout fait plutôt que de les quitter. Heureusement, au bout du champ de foire, se trouvait une ménagerie dont le dompteur venait d'être affreusement mutilé. On nous offrit, à Rosita et à moi, de remplacer le dompteur. Nous entrions ensemble dans les cages. « Cela vous étonne qu'on nous ait fait d'emblée une pareille proposition et que nous ayons pu accepter ?»« Vous encore, mais Rosita. »« Oh, Rosita n'hésita point. » On eût dit qu'elle était contente, la malheureuse, de courir près de moi un danger. Et le lendemain même de ma honteuse découverte, alors qu'elle était sûre que je n'avais rien cru de ses hardis mensonges, elle prit plaisir, avec une grâce coupable et des tendresses agaçantes, à irriter la blessure malsaine qu'elle avait faite. J'aurais juré parfois qu'elle m'aimait toujours. Nous acceptâmes donc la succession sanglante du dompteur et commençâmes notre apprentissage. Métier triste, celui d'animal féroce en France. Les voyez-vous étendus, pensifs et lâches sur la poussière du plancher? On est allé les prendre dans le désert où le sable est brûlant. Ils erraient, libres sous le ciel, allaient voir le matin se lever le soleil, chassaient le jour, et le soir, rentraient repus dans leur tanière. Leur rugissement se perdait dans l'immensité. Ils sont là maintenant dans une cage de 3 mètres, vaincus, esclaves, résignés. Ils hurlaient, ils bâillent, ils déchiraient la chair vivante, buvaient le sang qui fume. On leur mesure leur repas maintenant, et encore faut-il qu'ils l'aient gagné. On devra sortir du silence dédaigneux ou du songe muet. Tout beau là-bas, D'Artagnan, couché, fais le mort. Taisez-vous, les fauves. Lions, tigres, panthères, léopards, les loups, les hyènes. L'ours blanc, ce naufragé du nord qui descendait des mers, accroupi sur un glaçon, et hurlait dans le vent. Il est là, tendant comme un chameau, le cou vers les citernes, et balançant sa tête à la façon des fous, en jetant à travers les barreaux sa plainte monotone et lugubre. L'entendez-vous? Comment, demande-t-on, allions-nous faire? Était-ce nous, venus d'hier, dans ce harem aux odeurs mêlées, qui allions connaître le mystère et savoir les secrets? Gomme, s'il y avait un secret! Les caresses qui les énervent, les parfums qui protègent, la baguette chauffée à blanc de Moroc, supposition, légende. Qu'est-ce donc? C'est le triomphe légitime du courage sur la brutalité, de la patience sur la furie, de l'homme sur la bête. Quelques prisonniers se révoltent, montrent les dents, hérissent les poils. Levez le bâton et frappez fort, en face. Brisez-leur les reins s'ils ne plient pas les chines. La plupart se résignent et s'élèvent comme des chiens ou des enfants. Une caresse par-ci, 2 taloches par-là, beaucoup de sucre, et le tour est joué. Si la bête est haute, un peu vieille, on y met le temps et plus d'égards. C'est ce que nous fîmes. Pendant 20 jours, d'heure en heure, nous rôdâmes devant chaque cage, en regardant son pensionnaire, l'appelant, nous faisant connaître, puis aimer. Si l'on m'eût parlé de cela quand j'étais régent de 7e. Mais nous avions, dans le voyage, déjà vu des ménageries. Il nous était arrivé, déjà, de passer notre main dans la cage des hyènes et des lions, rassurés par l'exemple des gardiens, qui en agissent avec les bêtes féroces comme des piqueurs avec les chiens. Un préjugé, du reste, cette férocité. J'ai aperçu de ma fenêtre, dans une chambre bien tranquille, des femmes de dompteurs tricotant et des lionceaux qui jouaient aux 4 coins avec des oursons farceurs. C'est la panthère qui était le pot. Mon cœur battit pourtant le jour où j'entrais pour la première fois dans les cages. Vous le comprenez. Je voulus d'abord m'exposer seul et ne laisser s'aventurer Rosita que si moi j'en sortais. Je choisis pour mon premier essai le lion, celui-là même qui avait à moitié dévoré son maître. C'est ma nature à moi de plonger au cœur du danger tout d'abord. Par lâcheté, peut-être, pour en finir d'un coup, mourir ou vaincre. J'entrai donc. Derrière la porte du fond entrebâillée, Rosita, armée d'une fourche, regardait. Devant les barreaux, Bétinet, dont j'allais gagner la vie, tenait une barre de fer et attendait. Le lion ne bougea point, il leva vers moi ses yeux mélancoliques et se rendormit. La peur me prit en face de ce colosse qu'il fallait troubler. Et peut-être si Rosita n'eût point été là, si Bétinet n'eût pas été son amant, je serais sorti pour ne pas y rentrer. mais devant elle, devant lui, je voulais être brave. Ne devait-elle pas d'ailleurs venir avec moi? Il s'agissait de mater la bête. Je m'avançai, et saisissant le lion par les deux oreilles, je relevai sa grosse tête et la secouai dans mes mains. Il poussa un sourd grognement, essaya de se retourner, jeta un bond. S'il eût fait effort, il n'avait qu'à tourner son cou et j'allais m'aplatir, brisé contre les barreaux. Il n'essaya point. Je le lâchai et j'attendis. Il tourna, triste, sur lui-même et s'allongea comme un sphinx. Je le forçai à se relever et à marcher autour de moi. Il obéit. Roi déchu, il lui fallait le soleil de l'Afrique et le vent du désert pour qu'il eût soif de sang humain. Je le regardai presque avec pitié, et sans émotion, je fis signe à Rosita d'entrer. Elle entra et ferma la porte. « Il nous mangera tous les deux, le grand, » dit-elle tout bas, en mettant dans ma main sa main, que le matin même, entre deux portes, j'avais vue s'égarer, brûlante, dans la perruque de Bétinée. Mais le lion, au lieu de se jeter sur nous, la flaira et frotta sa crinière contre sa jupe. Dehors, on baissa les fourches. La connaissance était faite maintenant. Nous sortîmes de la cage du lion pour entrer dans celle des tigres, des hyènes, de l'ours, des loups. 3 semaines après, on annonça notre début sous ce titre, « Les martyrs chrétiens ». Vêtus, elle, en vierge romaine, moi, en polyocte de la décadence, nous simulions les chrétiens livrés aux bêtes. J'avais écrit le boniment que récitait devant les cages Bétinet, déguisé en bourreau. Douce ironie. Et nous exécutions les poses des suppliciés, tantôt la tête sous le mufle du tigre, tantôt les bras dans la gueule du lion. Nos costumes reluisaient au gaz, ma taille gigantesque me donnait un air de héros farouche. Rosita, qu'enivrait les dangers, les chairs frémissantes sous son maillot clair, semblait une sainte Thérèse expirant dans l'extase. Les spectateurs nous suivaient, haletants, le cou tendu, la gorge sèche, parfois poussant un soupir de terreur. Quelques-uns murmurant, « Comme elle est belle !» Et moi, comme si j'eusse voulu vraiment arracher leur proie aux bêtes fauves, je l'étreignais dans mes bras nus, entre lesquels il me prenait envie de l'étouffer quelquefois, lorsque, de ses yeux bleus, frémissant et pâmés, oubliant le géant, les lions, elle cherchait, pour lui sourire devant les cages, Bétinet, le bourreau comique. Nous étions largement payés et nous faisions fureur. Mais le dompteur estropié trouva un matin à vendre sa ménagerie. Nous étions encore cette fois sur le pavé sans économie. Avec Bétinet, on n'en faisait pas. Si le patron, brave homme au fond, n'avait distrait deux de ses cages qu'il nous céda en nous donnant du temps pour payer. Nous les primes et l'on essaya d'y gagner sa vie. Mais non, la misère revint. Nous nous installâmes pour quelques semaines dans une petite ville du Midi, espérions que nous y ferions des affaires et qu'on pourrait peut-être ajouter un tigre, un ours au personnel. Nous ne fîmes rien, et avant qu'un mois se fût écoulé, nous étions endettés partout, à l'auberge et chez le boucher, qui nous refusa un matin de livrer la nourriture pour les bêtes avant que nous l'eussions payée. Que devenir? Nous avions annoncé l'entrée dans les cages pour le soir même, jour de fête, et les animaux n'avaient pas mangé. C'était un mouvement terrible contre les grilles, on grognait derrière les barreaux. Ils avaient le sang dans les yeux, le désert dans le ventre. Je poussais d'épouvantables blasphèmes. Bétinet lui-même avait son génie troublé. Rosita pleurait avec Violette dans les bras, la pauvre enfant mordait dans un coin de pain bis qui était le dernier de la huche. J'ai vu dans les cirques que la paille manquait à l'écurie et l'avoine dans la mangeoire. Mais les chevaux attendent. Dans les ménageries, on n'attend pas. L'heure de la représentation approchait cependant. Allions-nous entrer? C'était une mort certaine. Rosita court encore chez le boucher, qui tenait notre vie suspendue au croc de son étal. Elle rentre désespérée. Moi, arrachant Violette d'entre ses mains, je cours à mon tour chez le vendeur de viande, et lui montrant la pauvre petite qui cassait ses dents sur un morceau de pain. « Tenez, lui criai-je, vous serez payé. Je vais faire annoncer par les rues que, ce soir, j'entrerai dans la cage du lion, je lui mordrai les narines avec des pinces pour qu'il hurle et s'emporte. et j'aurai ma fille avec moi. Voulez-vous que le lion ait mangé d'abord ? » Le lion mangea, et le soir la foule vint, la foule infâme qui voulut le spectacle affreux, et demanda, comme on le lui avait promis, le père et l'enfant dans la cage. Pour le premier jour j'avais peur, et l'animal semblait furieux. Il fallut obéir. Les cris du public, la crainte du boucher, le besoin de vivre, me poussèrent dans le couloir qui donnait sur la loge, et j'entrai, portant Violette sur mon bras. Le lion la connaissait bien, et le matin elle avait plus d'une fois passé ses menottes dans sa crinière. Mais le jeûne forcé du jour avait irrité le pensionnaire aux babines sanglantes, et il grogna sourdement quand j'arrivais. Puis, sans que ma cravache eût parlé, se levant, debout, il posa ses deux pattes de devant sur ma poitrine et me regarda, immobile. Sa tête me parut énorme. Son souffle ardent passait sur mon visage. Je tremblais. Le lion le sentit. Il retomba sur ses quatre pattes, muet, tranquille. Je voulus sortir. Mais il se mit entre la porte et moi. Rassemblant toute mon énergie et jouant un jeu suprême, d'une main je serrai contre moi Violette, qui pleurait. De l'autre, je cinglai avec ma cravache le mufle de la bête fauve. Et la douleur lui arracha un formidable rugissement qui alla glacer le cœur de la foule. « Sortez !» crièrent quelques voix. « Assassin, pourquoi m'aviez-vous fait entrer ?» Je pus pourtant passer et soulever la porte, mais je dus pour cela détourner mon regard et quitter un instant les yeux de l'ennemi. Je l'entendis bondir, me retourner. Le meurtre était commis. La figure de notre pauvre petite fille n'était qu'une large plaie rouge, et ses yeux pendaient, déchirés par la griffe du lion. Il lui avait d'un coup labouré le visage, et sous sa patte étouffé la plainte. La foule poussa un hurlement d'horreur quand elle aperçut cette tête pétrie. L'enfant n'avait même plus de bouche pour crier. La bête était allée se coucher dans un coin. Je pouvais sortir maintenant. Violette vécut quelque temps encore, mais ce n'était plus elle. Ce qui restait de son visage était horrible. Elle eût fait de l'argent comme monstre. La douleur de Rosita fut profonde, et je ne vis pas de quelques semaines Bettinée se glisser dans le trou qui servait d'alcôve. Fin, d'ailleurs, odieusement habile, il s'était effacé devant le malheur, et je crois même qu'il avait trouvé des larmes, le crocodile, pour plaindre ses souffrances d'une mère. Que fis-je, moi ? Une folie. Je tuai ce lion dans une lutte à deux. On le trouva mort dans sa cage, et moi, baigné dans mon sang, le front dans ses blessures. Le géant ouvrit son gilet et me montra sa poitrine broyée, mâchée, avec d'épouvantables cicatrices. En tuant ce lion, je nous ruinais une fois pour toutes, et pour me guérir, on vendit tout. Nous traînâmes encore quelques hyènes maigres par des foires où l'on ne gagnait rien, jusqu'à ce que, ayant vendu une à une les têtes de notre bétail sauvage, nous retombâmes dans la Manche, et dûmes vivre d'expédients. Heureux encore, nous avions pu acheter la roulotte que nous avons et les planches de la baraque. Je pourrais arrêter ici le récit de mes aventures, d'autant plus, fit-il avec un geste de résigné, que là finit le drame. Ma honte est acceptée. Violette est morte, je ne me raidis plus contre le courant et laisse aller mon cœur à la dérive. Bettinée est toujours l'amant de Rosita, là-bas la trompe, je la console et la nourris. C'est lui qu'elle aime. Je fais mine de ne rien savoir, et quand il leur arrive de se trahir devant moi, Béa, j'écarte d'un autre côté mon oreille complaisante et lâche. J'entends quelquefois à travers les cloisons leurs soupirs, leurs rires, quoique le rire maintenant soit rare. Mais je me cache quand je crois qu'ils peuvent me voir, et je m'enfonce dans les coins sombres quand ils passent. De temps en temps, on me fait l'aumône et je l'accepte. Plaisirs malsains, amours infâmes. Nous voilà donc traînant, par les fêtes borgnes, notre ménage à trois, trio cynique de galériens. Chacun de son côté pourrait gagner son pain. Mais non, par une sorte de compromis muet, où la jalousie et la lâcheté se donnent la main, nous vivons dans la boue jusqu'au ventre, jusqu'au cœur dans la honte. Ainsi se sont écoulés les jours, les mois, les années. Et là-dessous, dit-il en soulevant sa chevelure, il y a déjà bien des cheveux gris. Je devais être utile à mes semblables et je pouvais tenir ma patrie dans le monde. Que pensera Dieu quand il me demandera ce que j'ai fait et que je lui répondrai « Seigneur, j'ai tirangé la brème, tenu la camoufle, battu comtois. » Est-ce assez pour le paradis? Comprendra-t-il seulement? Il m'a pris parfois des envies de partir. Mais où? Croyez-vous que la vie me soit bien facile à présent et qu'il me suffira de rentrer au collège pour y retrouver ma chère et mes élèves? Puis, si je les quittais, que deviendraient-ils? Je suis la plus belle carte de leur jeu et j'ai les atouts dans mes bottes. Bettinet est lâche, et d'ailleurs, Ludovie a brûlé sa verve. Rosita boude devant les poids de 40 maintenant et est trop grasse pour se disloquer. Nous restons ainsi jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure. Eux s'aimant en se méprisant, moi ayant pour me consoler la joie un peu fière du sacrifice. Qu'arrivera-t-il? Il arrivera ce que Dieu voudra. J'ai mérité ma peine et je ne me plaindrai pas du châtiment. Là-dessus, le géant se leva et me montrant le ciel qui était pâle où s'annonçait le soleil. « Voici le matin, dit-il, et il faut que nous soyons installés à Meudon ce soir. Je vais démonter le théâtre. À midi, nous serons en route. » Nous descendîmes et à la fraîcheur du matin, nous causâmes encore. Puis je le quittai. J'attendis en rôdant sur la butte que Paris se fût éveillé et je m'éloignais, méditant cette histoire qui est celle de l'humanité. Éternelle comédie, Bettinet roule le géant, le paillasse tue le héros. Je revins par le champ de foire. J'aperçus de loin le haut saltimbanque, assis, pensif et calme sur une pierre près de la voiture. Il attendait que Bettinet et Rosita fussent levés. Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.